Il était une fois un tout petit monsieur qui n'avait qu'un cheveu. Il était une fois un tout petit monsieur qui n'avait qu'un cheveu et pas deux. Puis après? Après quoi? Après l'histoire. L'aurait bien voulu se faire l'arrêt au milieu, mais n'avait qu'un cheveu. L'aurait bien voulu se faire l'arrêt au milieu, mais n'avait qu'un cheveu et pas deux. Papa, mon baiser, ma petite bise, tu me la fais tous les soirs. Papa, mon baiser, ma petite bise, et tu racontes une histoire. Mais je t'ai déjà raconté une histoire. Et tu racontes une histoire. Bon, ben, je t'ai raconté une histoire, je te raconte encore une deuxième, puis après c'est fini, d'accord? Hein? Oui? Oui? Oui. Il était une fois un tout petit monsieur qui n'avait qu'une dent. Il était une fois un tout petit monsieur qui n'avait qu'une dent là-devant. Puis après? Après quoi? Après l'histoire. L'aurait bien voulu manger les petits enfants, mais n'avait qu'une dent. L'aurait bien voulu manger les petits enfants, mais n'avait qu'une dent là-devant. Papa, mon baiser, ma petite bise, tu me la fais tous les soirs. Papa, mon baiser, ma petite bise, et tu racontes une histoire. Bon, maintenant tu dors, je t'ai raconté deux histoires, maintenant tu dors, hein? Et tu racontes une histoire. Je te fais un gros bec, tu dors, tu me donnes un bec aussi, Dan. Et tu racontes une histoire. Et donne-moi un bisou, puis tu dors. Un bisou. Et tu racontes une histoire. Et tu racontes une histoire. Et tu racontes une histoire.